reste là avec tes grandes certitudes. Je voudrais te glisser ma peine, te dire comme je te vois très bas, que le vent t'emporte, que le vent t'emporte, que le vent t'emporte, que le vent t'emporte. Jamais de ce qu'on aime, il faudra bien pourtant t'y faire. Pour toi ne reste que de la haine, que le vent t'emporte. Je voudrais te glisser ma peine, te dire comme je te vois très bas. Tu vois, je me croyais loin, mais t'es encore bien pire que moi. Je voudrais t'infliger ma peine, te dire comme je me sens très là, que le vent t'emporte.